Lui as-tu dit que c'était le jour où nous dînions tous ici ? Oui, mais bah, Madame Marneffe donne un grand dîner. Elle espère traiter de la démission de Monsieur Coquet. Et cela passe avant tout. Tiens, Adeline, écoute-moi. Tu connais mon caractère féroce à l'endroit de l'indépendance. Ton mari, ma chère, te ruinera certainement. J'ai cru pouvoir vous être utile à tous chez cette femme, mais c'est une créature d'une dépravation sans bornes. Elle obtiendra de ton mari des choses à le mettre dans le cas de vous déshonorer tous. Adeline fit le mouvement d'une personne qui reçoit un coup de poignard dans le cœur. Mais, ma chère Adeline, j'en suis sûre, il faut bien que j'essaie de t'éclairer. Eh bien, songeons à l'avenir. Le maréchal est vieux, mais il ira loin. Il a un beau traitement. Sa veuve, s'il mourait, aurait une pension de 6 000 francs. Avec cette somme, moi, je me chargerai de vous faire vivre tous. Use de ton influence sur le bonhomme pour nous marier. Ce n'est pas pour être Madame la Maréchale. Je me soucie de ses sœurs nettes comme de la conscience de Madame Marneffe. Mais vous aurez tous du pain. Je vois qu'Hortense en manque, puisque tu lui donnes le tien.